J'ai plus d'aide, plus de crédit, plus de net, mec, j'suis dans la merde. J'ai plus de permis, plus de permis. Ah oui, je rêve que Huda m'appelle. Ce soir, j'voulais sortir. C'est laser, mais je voulais sortir pour ce samedi, mais personne ne m'appelle, alors je galère devant la TV. Devant la TV, je regarde plus belle la vie, mon pote, faut bien que je relativise. J'aurais dû m'y prendre plus tôt, prendre des bus, de train, métro, je me ronge les ongles avec les crocs. Je tourne mes pouces, je tourne en rond, je reçois des messages, mais je n'ai pas de quoi leur répondre. Tout seul dans ma poche, je reçois des textos alléchants. Envie d'une boîte sur le champ, je commence à devenir méchant. Trop méchant, en guerre avec mon opérateur, mais bon, c'est la vie. J'ai plus de crédit, plus de crédit, plus de net, mec, je suis dans la merde. J'ai plus de permis. Ah oui, je rêve que Huda m'appelle. Ce soir, je voulais sortir. Ce soir, je voulais sortir. Dégoûté, un appel en absence raté, trop bien sapé sur le canapé. C'est quoi cette soirée gâtée? Cette soirée gâtée, trop envie de danser sur le dernier mec, mais les worlds et je regarde par la fenêtre dans l'espoir de voir un peu passer en faisant des signes de détresse. J'suis trop mesquine, VIP room, Master Crystal sans et puis le régime. Tout seul dans ma poche, je reçois des textos alléchants. Envie d'une boîte sur le champ, je commence à devenir méchant. Trop déterminé, rien à foutre, j'suis dormir habillé. J'ai plus de crédit, plus de crédit, plus de net, mec, j'suis dans la merde. J'ai plus de permis. Ah oui, je rêve que Huda m'appelle. Ce soir, je voulais sortir. Ce soir, je voulais sortir. À la Pyramix Party 2014.